The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition de Chacun sa voix. C'est Chris et je suis accompagné comme pour le premier numéro de Laura qui co-animera à mes côtés. Donc déjà, salut Laura. Salut Chris. Comment ça va ? Ça va fort bien et toi ? Eh bah, bien fort bien également. Et pour cette deuxième émission, nous recevons par téléphone un acteur, comédien, voix off et... une grande voix du doublage, je pense qu'on peut le dire. C'est Benoît Alleman qui nous fait le grand honneur d'avoir accepté notre invitation et qui est, entre autres, la voix du célèbre acteur Morgan Freeman. Donc, Monsieur Alleman est avec nous pour nous parler de sa carrière, de tout ce qu'il fait. Donc, bonjour Benoît. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va ? Ah ben moi ça va très bien et vous ? Ça va très bien, parfait. Ça va super, on était un peu stressé pour l'enregistrement, j'avoue, parce que vous êtes quand même une grande pointure du doublage. Mais faut pas être stressé, non, ça va bien se passer. Voilà, donc déjà, toute première question avant de te laisser la parole, Laura, pour cette émission, est-ce qu'on vous appelle Benoît, est-ce qu'on vous appelle Monsieur Alleman ? Ah non, on m'appelle Benoît, allez hop, hop. D'accord, bon, on vous appelle Benoît du coup. Bien sûr. Du coup, Benoît, je voulais vous, avant de commencer à parler de votre carrière à proprement dit, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je suis Benoît, hein, tout simplement. Ça fait plus de 60 ans que je fais ce métier. J'en suis très heureux, je continue toujours de travailler et je trouve que la vie est très belle, malgré quelques vicissitudes, mais voilà. Mais la vie est belle, voilà. D'accord. Alors dans cette émission, nous allons détailler votre très grand CV, que ce soit en tant qu'acteur, comédien de doublage, voix off et même comédien de théâtre et bien plus encore. Est-ce que ça vous va comme programme ? Ah ben c'est très bien, oui, mais je suis à votre disposition. Super, on vous remercie. Je suis sur le grill, allez-y. Alors moi, je voulais savoir depuis quand est-ce que vous êtes acteur, Benoît ? Oh, depuis les années 60. Donc vous voyez, ça fait longtemps. D'accord. 1960. Ah. D'accord, et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'acteur ? Ah mais tout, vous savez, notre métier est un métier qui est fait de plusieurs disciplines. On fait du théâtre, on fait du cinéma, on fait de la radio... on fait de la télévision, certains font des comédies musicales, on fait du doublage, on fait des voice-overs, on fait des commentaires de films, on fait des... bien sûr, le doublage, je l'ai dit. Donc, c'est un des rares métiers artistiques où on est autant de disciplines auxquelles on peut participer. Donc, pour moi, elles sont la meilleure, la plus belle des disciplines, pour moi, bien évidemment, c'est le théâtre. Mais c'est par le théâtre qu'on arrive à pénétrer les autres disciplines. Bien sûr. Et justement, vous avez parlé de voice-over. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on prête sa voix à des documentaires, tout simplement. D'accord, un genre de voix-off ? Oui, c'est voix-off, voilà. Ok. Mais ça fait tellement mieux de dire voice-over. C'est vrai, ça rajoute une beauté au terme. J'avais regardé un des reportages avec votre voix, et j'aime beaucoup, c'est un peu comme si vous racontiez une histoire, en fait. Mais notre métier, c'est aussi de raconter des histoires. Et moi, je trouve ça formidable de raconter une histoire parce qu'on prend, les auditeurs par l'oreille et puis on les emmène voyager. Hein, s'il s'agit de documentaires scientifiques, on part à la découverte de la science avec eux. Si c'est un livre audio, on part dans les méandres dans lesquels nous entraîne l'auteur. C'est formidable de raconter une histoire. Ça fait partie de notre métier aussi. Oh, c'est super, moi. C'est pour ça que j'aime bien le doublage et la voix off, etc. Mm-hmm. Pareillement, ça fait partie de mes grandes passions depuis aussi longtemps que je me souvienne. Tout ce qui est jeu d'acteur, voix off, doublage, c'est très passionnant et c'est tellement riche comme discipline. Tout à fait. Et moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez fait une école de théâtre ou de cinéma pour faire votre métier, Benoît, ou pas ? Ah ben bien sûr, mais oui. On peut les compter sur le bout des doigts, les comédiens ou les comédiennes qui arrivent et qui font une carrière longue sans être passés par une école de théâtre. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de prendre des cours et qui ont ça dans le sang et c'est inné. Tant mieux pour eux, c'est formidable. Moi, j'ai commencé une école, j'avais 17 ans et demi. J'ai fait l'école nationale de Strasbourg, qui était la première école en dehors de Paris dans les années 60, qui était une école un peu différente de ce qu'est le conservatoire à Paris. Mais c'était la rue Blanche. Il n'y avait que deux grandes écoles en France, celle de Paris et de Strasbourg. Et à Strasbourg, on avait comme éducation théâtrale, on avait plutôt un travail comme faisaient les Anglais ou faisaient les Russes. C'était pas tellement la façon d'apprendre le métier comme on l'apprenait à Paris, disons. Voilà. Mmh. Mais j'en ai gardé un souvenir magnifique. Puis vous vous rendez compte, à 17 ans et demi, quand on sort de sa petite famille, moi j'ai habité en province, je ne connaissais pas grand-chose de la vie, et tout d'un coup, ben, vous vous retrouvez baigné dans ce climat du théâtre, où ça a été un bouleversement total. Ça a été un long apprentissage aussi, mais c'était une période formidable. Bien sûr. Et donc, on l'a dit, quand on vous a présenté, vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, vous êtes comédien de doublage, voix off, enfin voice-over, vous êtes comédien, vous apparaissez des fois à l'écran, donc dans quel registre vous sentez-vous le plus à l'aise? Mais, je prends du plaisir partout où on me demande du travail, de travailler. Je ne fais pas de sélection. D'accord. Mais effectivement, par exemple, dernièrement, j'ai tourné avec Karine Viard dans un film qui va sortir d'ailleurs très très bientôt, où j'ai un rôle, j'ai trois ou quatre scènes avec elle. Se retrouver à côté d'une dame de ce talent, c'est formidable. Eh bien, je suis sorti de ce travail, de cette composition, de cette réalisation, mais heureux d'avoir fait mon métier, si vous voulez, et dans des conditions formidables d'entente, d'amitié, de respect, de découverte. Mais 8 jours après, j'ai commencé à refaire du théâtre et j'ai retrouvé aussi le même plaisir avec d'autres acteurs. Le plaisir, on le prend quand on peut exercer son métier et qu'on est heureux de l'exercer, que ce soit en théâtre, en cinéma ou en doublage. On prend des grands, grands plaisirs en doublage. On prend d'énormes plaisirs au théâtre. Le théâtre a ceci de supplémentaire, c'est que nous avons un résultat immédiat de ce que nous faisons, et ce résultat, ben, c'est le public qui nous le donne. Tandis que quand on fait du cinéma, on ne sait pas. Quand on fait du doublage, on ne sait pas. Mmh. Voilà. Et quand vous allez sur les planches, par exemple au théâtre, ou que vous allez jouer devant la caméra ou derrière la caméra en tant que voix off ou que comédien de doublage, est-ce que vous vous dites « je vais travailler » ou est-ce que vous vous dites « je vais m'amuser » ? Mais je vais m'amuser en travaillant. Oui. même si ce que je joue est dramatique. Eh oui. Notre métier, c'est de jouer à jouer. Je m'amuse à jouer. Regardez les enfants. 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, là, ils sont comme ça au jeu, ils se cassent la figure, ils se créent des aventures, des personnages, mais ils jouent à jouer. Mmh, ils jouent. Et nous, nous ne faisons pas autre chose. Bien sûr, on le fait très sérieusement lorsqu'il s'agit d'œuvres profondes, de très, très grands auteurs, mais ça, c'est un autre problème. Mais on prend quand même du plaisir à jouer un personnage qui n'est pas nous. C'est vrai. Qui est un personnage créé par un auteur, tout simplement. Donc, on joue à jouer. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Je sais que quelquefois, on n'aime pas trop ça dans le métier. Mais non, notre métier est sérieux. Je dis oui, notre métier est sérieux, mais nous jouons quand même. Et dans la notion de jeu, il y a la gaieté, et puis il peut y avoir aussi le dramatique, hein, un jeu dramatique, oui, bien sûr. Mais on joue quand même. Voilà. Bien sûr. Donc vous faites tout ça par passion, mais est-ce que c'est aussi un exutoire pour vous de faire ça? Pourquoi un exutoire? L'exutoire, c'eût été quand j'étais très jeune, hein, j'avais commencé à faire du théâtre en amateur, j'avais à peu près 16 ans, parce que je m'ennuyais énormément de chez moi, ça n'allait pas bien, bref. Et un jour, une psychologue a dit à ma mère, ce garçon, ça serait bien qu'il fasse du théâtre pour s'exprimer. Et j'ai commencé à faire du théâtre en amateur. Et c'est parti tout de suite. Et de là, je suis passé, j'ai passé un concours d'entrée à une école. Pour moi, quand vous dites que c'est... je ne me souviens plus le terme que vous venez de prendre là, pardon. Un exutoire. Ouais, un exutoire. Ben moi, c'était rentrer dans la vie. C'était quitter la vie dans laquelle j'étais, où je ne me sentais pas très bien, pour aller vers une autre, en toute méconnaissance de la vie, d'ailleurs. Mais c'était ça. C'était partir. C'était découvrir autre chose. Et encore maintenant, en jouant des rôles différents, on découvre autre chose. Bien sûr. On ne s'échappe pas de la réalité. Hein. On garde les pieds sur terre. Bien sûr, c'est important. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier rôle important au cinéma? Oh, c'était avec Claude Sautet. C'était Mado. D'accord. Avec Claude Sautet, où il y avait une sacrée distribution, puisqu'il y avait Dutron, il y avait Piccoli, il y avait Ottavia Piccolo, il y avait une belle distribution. On a tourné pendant 3 mois ce film. Et c'était pour moi une grande découverte du cinéma avec un très très grand réalisateur. Et voilà. Après, j'ai travaillé beaucoup à la télévision avec d'autres grands réalisateurs. Mais pour le cinéma, c'était Claude Sautet. D'accord. Mm-hmm. Comment est-ce que vous êtes tombé dans le milieu télévisuel et cinématographique, Benoît? Alors, je n'ai pas dérapé. Je n'ai pas glissé sur une peau de banane. Mais quand vous arrivez à Paris, heureusement, je faisais déjà de la radio en province à ce qu'on appelait le RTF à l'époque. Oui. Donc, ce qui fait qu'à Paris, j'ai pu assez rapidement travailler. Et pour gagner ma vie, je faisais la figuration au cinéma, hein, comme tous les jeunes comédiens qui débarquent. Et puis on m'a pris une fois pour une pièce de théâtre, et puis on passait des auditions, puis j'ai été pris dans d'autres pièces, et hop, très très très rapidement, j'ai pu jouer au théâtre et partir en tournée, ou jouer à Paris tout simplement. En gros, je pense que j'ai dû jouer à peu près 45 à 50 pièces de théâtre dans ma carrière. Ça ne veut pas dire que je les ai jouées très longtemps, les pièces. Mm-hmm. Les pièces qu'on peut jouer simplement une dizaine de fois, comme d'autres, on peut les jouer une centaine, ou voire 200 fois même. Voilà. Et le théâtre, c'est quand même là où on est le mieux. Quoi. On en parlera un peu plus tard dans cette émission, mais je crois que vous avez joué dans différentes pièces pendant 3 ans entre 2016 et 2019, je crois. C'est ça, ouais. Non, c'est ce qu'on a trouvé sur Wikipédia. Oui. Ouais, alors, attendez, vous savez que Wikipédia, c'est très bien, mais quelquefois, les informateurs se trompent un petit peu. Hein. Moi, on m'a fait beaucoup plus âgé que je ne le suis sur Wikipédia. Il a fallu que je fasse des démarches pour qu'on corrige ma date de naissance. Bon, bref. Oui, il y a des pièces que j'ai jouées longtemps. Là, en ce moment, je joue une pièce à Paris. Je la joue mais que tous les lundis, par exemple. Mmh. Mais cette pièce, je l'ai déjà jouée il y a 3 ans. D'accord. Vous voyez ça, c'est voilà. Puis il y a eu le Covid, bien sûr, qui a fait que ça s'est interrompu. Mais même il y a 5 ans. Mais dans l'espace des 3 ans qui viennent, et malgré le Covid, imaginez que j'ai joué 3 pièces différentes. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc, on l'a dit, donc vous avez joué au cinéma, sur le petit écran également, dans des différents téléfilms. Donc, qu'est-ce qui diffère entre un film au cinéma et un téléfilm? Est-ce qu'il y a des différences? Oh ben, oui, il y a une évolution dans les techniques, hein, qui est évidente. Quand nous tournions pour la télévision, dans les années 70, on tournait, c'était des caméras énormes, très lourdes, c'était de la vidéo. Quand on tournait en extérieur, on tournait en 16 mm. D'accord. Au cinéma, on tourne en 35 mm. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un matériel déjà beaucoup plus puissant, beaucoup plus énorme, et une technique qui est plus grande. Mais maintenant, on ne tourne plus en vidéo, on tourne en numérique. Hein, c'est-à-dire que tout est sur la petite pastille là, que vous mettez dans la caméra, puis ça y est. Mm-hmm. Les techniques sont différentes, parce que quand vous tourniez pour un téléfilm, par exemple, en studio, dans les studios parisiens de la télévision française, on tournait à 2 ou 3 caméras en même temps. Ah oui. Voilà. Et c'était des caméras vidéo, bien sûr. Quand on tournait en extérieur, on tournait à 2 caméras en 15 mm. D'accord. En 16 mm, pardon. Mais ces caméras, elles avaient des chargeurs en pellicule qui faisaient, je ne sais pas moi, 250 mètres, j'en sais rien. Mais il fallait les charger, décharger, recharger. Bien sûr. Il y avait toute une technique qui était propre au cinéma avec pellicule. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est la puce numérique dans la caméra et on peut tourner des heures sans s'arrêter, quoi. Mmh. Et comme la numérisation les nouvelles caméras sont tellement pointues qu'on n'a plus besoin de tourner avec un système d'éclairage énorme qu'exigeait le cinéma. Maintenant, c'est moindre. On a 5-6 projecteurs, pas plus, quand on tourne en intérieur. Avant, il fallait en mettre plein, il fallait en mettre en extérieur, dans les fenêtres, il fallait... Là, maintenant, c'est quasiment fini. Donc les techniques ont changé. Et notre façon de jouer aussi a changé. Bien sûr. Voilà. Alors vous avez au cinéma, vous tournez en petites séquences. D'accord. Des petites scènes qui durent, allez, 1 minute 5, pas plus. Et puis après, on fait les chants, les contre-chants, etc. Mm-hmm. En vidéo, c'était un peu pareil, mais comme on tournait avec les 3 caméras en même temps, le montage, eh bien le réalisateur choisissait les plans selon les axes des caméras. Donc on répétait 1 ou 2 fois, on tournait 2 fois et c'était fini. Au cinéma, on peut répéter et recommencer les scènes beaucoup plus souvent. D'accord. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, la seule différence qu'il y ait pour un comédien, c'est que lorsque vous jouez devant la caméra, effectivement, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, le moindre geste, le moindre clin d'œil, le sourcil qui se lève, que sais-je, tout ça est multiplié, surmultiplié, parce qu'à l'écran, on voit tout. Au théâtre, non. Au théâtre, comme vous êtes dans une salle, et à 10 à 15 mètres des premiers spectateurs, vous projetez la voix et votre gestuelle et votre façon d'être physique est tout à fait différente. Bien sûr. Parce que là, vous vous donnez en public. À la caméra, non, il faut avoir des gestes simples, sobres. Autrement, on devient des guignols. Bien sûr. Est-ce que je me suis bien exprimé? Ah oui, bien totalement. Sûr. Vraiment. Voilà. On est subjugué par votre voix. C'est vrai. Oh, ben alors, écoutez. Mais je vais vous dire que vous avez une très très jolie voix, vous. Alors là, bravo. Ah qui, ben... moi? Ouh, oui, Chris. Ah, merci, c'est gentil. Voilà. Alors, je voulais vous demander à quel moment vous êtes dit que vous vouliez faire comédien ou acteur. Est-ce qu'à quel moment ça a fait-il vous êtes dit, tiens, c'est ce que je veux faire. Oh ben, c'est venu tout à fait naturellement quand je faisais du théâtre en amateur. C'était dans une compagnie théâtrale à Nancy, puisque je suis de Lorraine, de Lorraine et d'Alsace. Cette compagnie théâtrale était très renommée. Et elle montait 2 à 3 spectacles par an. Mais dans la semaine, on avait le soir des cours de théâtre, car la directrice de cette troupe de théâtre était professeure à l'École nationale de théâtre de Strasbourg. Donc, ce qu'elle nous faisait travailler en exercice, c'était des exercices que les élèves de l'École nationale faisaient. Donc, j'avais une petite avance, si vous voulez, lorsque je me suis présenté en audition. C'est-à-dire que je savais déjà à peu près me tenir en scène, et puis j'avais déjà joué. Et je pense que ça a compté. Mais pour moi, c'était évident. Quand j'ai décidé de passer le concours, pour moi, c'était ma carrière. Mais je ne réfléchissais pas comment je vais faire, qu'est-ce que... Même pas. J'étais un petit peu inconscient, il faut quand même bien le dire. Et ça s'est passé comme ça très bien. Vous savez, j'ai malheureusement... pour des raisons X, Y, Z, j'ai eu une scolarité très défaillante, pas bonne du tout. Je me suis ennuyé tout le temps. Et puis à des moments, j'étais en pension et ça a été pour moi la catastrophe. Donc, aller faire du théâtre, c'était m'ouvrir à la vie, c'était laisser tout ça de côté derrière, voilà. Et en tant qu'acteur qui a une carrière de plus de 60 ans maintenant, est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice qui vous a inspiré, voire qui vous inspire encore aujourd'hui? Oh là là, ça c'est la question piège, ah. et à laquelle je ne saurais pas répondre. Non pas parce que je ne sais pas quel auteur ou quelle actrice m'a subjugué. Je trouve que dans chaque acteur, il y a quelque chose de... À un moment dans son jeu, dans une pièce qu'il a jouée, dans un film qu'il a tourné, il y a quelque chose de magnifique et je vous dirais, ah ben, c'est lui ou c'est elle et c'est elle. Moi, à chaque fois, je suis toujours émerveillé et je n'ai pas, je ne peux pas dire que j'ai une préférence. Voilà. En revanche, quand je vais au théâtre, là, maintenant, et que je prête l'oreille parce que on ne comprend pas ce que disent les comédiens qui sont sur scène, là, ça me fout en pétard, ça m'énerve. Et puis quand ce sont des grandes vedettes de cinéma qui passent au théâtre, et je suis désolé, elles ne sont pas bonnes. Et là, ça m'irrite énormément. Car ça arrive beaucoup. Là, je vais me faire des ennemis, mais je le dis, il y a chacun a sa place aussi. Moi, je ne peux pas être génial en cinéma. Non, c'est pas tellement mon truc. Je peux être bien, mais je ne serai jamais génial. Mais quand on passe du cinéma au théâtre, c'est autre chose. Au théâtre, on joue différemment, on ne joue pas cinéma. Bien c'est sûr. Ce que je voulais dire, en fait. Ce que je reproche aux comédiens de cinéma, aux acteurs de cinéma qui viennent faire du théâtre, et c'est leur droit le plus strict, et puis ils ont le talent aussi, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Au théâtre, on s'offre au public. On joue pour le public, on ne joue pas pour soi comme au cinéma, on joue. Au cinéma, on joue pour soi. Surtout. D'accord, c'est vraiment deux techniques différentes entre ah le oui, c'est théâtre tout à fait différent. Et le cinéma. C'est tout à fait différent. Ah, moi, je voulais savoir, parce qu'au tout début de votre carrière, vous avez joué aux côtés de grands acteurs. Est-ce qu'ils vous ont donné des conseils pour améliorer votre jeu ou pas? Ah, mais bien sûr. Mais oui, parce qu'il y a toujours une fraternité. Il y a, dis donc, là, tu sais, là, tu pourrais faire ceci, là, tu pourrais faire cela. Oui, on s'entraide. Il n'y a aucun problème. Parce que l'enjeu, on le partage. Quand on est sur un plateau, tous les soirs, on se retrouve. On le partage, cet enjeu face au public, et tous les conseils que l'on peut donner ou recevoir, on les prend. Moi, je me souviens, j'avais joué avec Michel Leeb. C'est la première fois de ma vie que je jouais une pièce dite de boulevard, une pièce comique, disons. Mmh. D'accord. Eh bien, j'écoutais et je regardais comment faisait Michel, et j'admirais sa technique, parce que lui, il savait exactement à quel moment il pouvait faire un effet pour provoquer le rire, à quel moment il devait au contraire être très sobre pour tout d'un coup rebondir. Et je l'ai regardé faire. Et il m'a laissé essayer à mon tour, en jouant avec lui, de rentrer un petit peu dans sa technique. Et ça a été très bienveillant de sa part. Voilà. Et ouais. Ma grande victoire, d'ailleurs, ça a été un soir, on jouait en Belgique. Lui, il essayait de me faire rester en scène, c'est-à-dire en faisant tellement le Gugus de me faire rire. Et c'est moi qui ai réussi un soir à me faire rire. Et là, il a été désemparé. Mais c'était très drôle. En fin de compte, j'avais suivi ce conseil. Voilà. Bien Mais sûr. Tout ça, c'est très sympathique. Hein. Oh ben, j'imagine. Avant de passer à la facette, à la deuxième partie de cette émission, à la facette comédien de doublage et voix off, nous vous proposons de nous lancer dans une première pause musicale que vous nous avez soumise, Benoît. Nous allons écouter le célèbre titre « Alléluia » de Leonard Cohen, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. A tout de suite sur Radio Limoso. Merci. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. name in vain. I don't even know the name, but if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Retour sur Radio Gémozo, vous venez d'écouter Alléluia de Leonard Cohen. Quel magnifique accent anglais, n'est-ce pas Chris? C'est vrai. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Benoît Alman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix, Benoît? Mon choix? Ah, celle-là, je l'adore. Puis c'est le chanteur, c'est le Canadien que j'aime profondément. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Puis Alléluia, moi, ça me... Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Ce mot-là est formidable, Alléluia. Voilà. C'est très simple. Moi, je suis très basique, vous savez. Donc, comme promis, nous allons passer maintenant à l'une des plus grosses parties de votre carrière, j'ai envie de dire, la facette de comédien de doublage et voix off. Donc, comment est-ce que vous êtes passé de acteur, on va dire physique, hein, entre guillemets, à comédien de doublage et voix off? Mais c'est très simple. Un comédien, il a quoi comme instrument? Sa voix. Et ben voilà. Et son corps, en général. Et puis, de temps en temps, il a un petit quelque chose en cerveau. Mais bon, c'est utile quand même. C'est mieux. Mais ça fait partie automatiquement de notre métier. À partir du moment où vous faites du théâtre, il y a des gens de métier qui viennent vous voir, vous écouter, vous découvrir. Parmi eux, il y a un réalisateur de radio, il y a un réalisateur de télé ou de cinéma. Il dit, tiens, ce comédien m'intéresse, tiens, il a une belle voix. Et ça y est, puis automatiquement, vous entrez dans cette autre discipline qui, à l'époque, il faut bien le dire, quand j'ai démarré dans les années 60, il n'y avait que la radio, puis en télévision, il y avait juste deux chaînes de télévision. Hein, ce n'était pas grand-chose. Tandis que maintenant, on regardait tout ce qu'il y a. Non, c'est fou. Bon. Et en doublage, il y avait bien sûr le doublage des films américains, chinois, italiens, etc. Bien sûr. Mais il y avait des petites diffusions. Le doublage n'était pas aussi développé que maintenant. Mmh. Donc notre travail, c'était un travail surtout de comédien de théâtre. Et puis quand on pouvait avoir être pris en pour votre voix et la qualité de voix que vous avez, qui collait avec des personnages qu'il y avait à doubler, on vous appelait. Et puis c'est tout, mais c'était tout à fait naturel. C'était des journées, quelquefois, où vous alliez en doublage de 9h30 du matin jusqu'à 16h, 17h l'après-midi, et à 20h, vous étiez au théâtre pour jouer, et vous en sortiez à 11h du soir. C'était des périodes magnifiques, hein. Voilà. Et on exerçait notre métier. Bien sûr. Voilà. Alors moi, j'avais une question, enfin, qui n'en est pas vraiment une, en fait. C'est en fait ce qui me fascine dans le métier de comédien de doublage, c'est que vous avez plus de difficultés qu'un comédien ordinaire, entre guillemets. C'est que, en fait, vous avez à l'image l'acteur original qui a eu le scénario, etc., qui doit interpréter son rôle. Bah, il fait passer ses émotions par sa gestuelle, son regard, etc. Mais vous n'avez que votre voix. Et ça doit être pas facile de faire passer les émotions que par la voix. En plus, vous avez une bande rythmo à lire. Il faut lire au bon moment, regarder oui. L'acteur, avoir les lèvres qui bougent au bon moment. Donc franchement, ça forge mon respect et je vous admire énormément pour ça. Alors, je veux dire, c'est simple. Vous voyez la séquence jouée par le comédien ou la comédienne. Ce comédien, cette comédienne, il joue un personnage dans un scénario, etc., qu'on vous a expliqué, bien évidemment, et il joue une scène, soit de violence, soit d'émotion, une scène d'amour, etc. On regarde la scène deux, trois fois, et puis on comprend la scène. On comprend le personnage, pourquoi il réagit, pourquoi il est jaloux, pourquoi il n'est pas jaloux, pourquoi bon, etc. Mais ça, c'est de la comédie. Et ça, on va chercher ça dans l'interprétation que font les comédiens, puisqu'on les entend, puis on va chercher ça aussi en nous-mêmes, ce que nous avons vécu, et surtout ce que nous avons joué au théâtre. C'est pourquoi je fais toujours le rapport entre le théâtre et le doublage. Je dis souvent aux comédiens qui m'appellent en me disant « Oh, j'aimerais faire du doublage parce que j'ai une belle voix. » Je leur dis « Est-ce que vous êtes comédien ?»« Ah ben non, je ne suis pas comédien. » Je dis « Commencez déjà par prendre des cours de théâtre, de travailler des personnages. C'est en travaillant des personnages différents que vous comprenez la psychologie des personnages au théâtre. » Et c'est la même chose, ça va vous servir quand vous êtes en doublage. C'est-à-dire, vous avez les ressorts humains, l'amour, la douleur, le bonheur, que sais-je, les larmes. Ce sont des choses que nous ressentons quand nous les jouons au théâtre. Eh bien, on les ressort quand on joue en doublage. Qu'est-ce qu'on fait en doublage? On se met au service du comédien que l'on double et on essaye d'exprimer et de ressentir ce que lui a ressenti et exprime au moment où il a tourné la scène. Bien sûr. Pour comprendre des situations, il faut passer par le grand travail que l'on fait sur les personnages au théâtre. Ou, tout simplement, quand vous vous mettez dans la rue, à une terrasse de café, que vous regardez les gens qui passent, que vous écoutez les conversations, et là vous apprenez beaucoup, beaucoup sur ce qu'est la vie humaine, ce que sont les êtres, ce qu'ils ressentent. Notre métier fait beaucoup sur l'observation des autres. Ce qui nous permet de nourrir les personnages quand on les double. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà. Je voulais vous remercier pour toutes ces explications, parce que moi, je fais du doublage comme ça pour m'amuser sur un réseau social qui est accessible à tous. Et j'ai eu une proposition dernièrement pour faire du doublage. Mais j'aurais dit, mais j'ai jamais pris un seul cours de comédie. Moi, je fais ça comme ça. Ils m'ont dit, on est des comédiens amateurs. Je dis, bah oui, mais moi, je suis pas comédienne du tout. Donc, bah, du coup, bah, faut que je prenne des cours de théâtre. mais vous allez voir. Écoutez, oui, il y a des comédiens et des comédiennes qui n'ont pas besoin de passer par des cours. Tant mieux pour eux, s'ils ont le sens inné du jeu. Après, c'est simplement la technique. Parce qu'il y a une technique quand même, hein, de respiration et de quand on est au micro. Bien sûr. Et puis, il faut choper le rythme, bien sûr. Il faut suivre la bande rythmo, ça vous l'avez compris. Mais ça, c'est une question de technique, d'habitude. Voilà. Parce que aussi c'est important de préciser, je pense, parce que peut-être que certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs ne le savent pas, on peut être comédien et comédien de doublage, mais on ne peut pas être comédien de doublage sans être comédien. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est quand même très très rare. Hein. C'est très très rare. Voilà. Mais encore une fois, il y a des garçons et des filles qui n'ont pas besoin de passer par les planches pour être superbe et excellent en doublage. Hein. Bien sûr. C'est comme les peintres. Hein. Vous avez des jeunes artistes peintres qui ne sont pas passés par des écoles académiques et qui font des toiles magnifiques chez eux. Hein. C'est vrai. Ou des romanciers ou des poètes, tout simplement. Voilà. Et donc, vu qu'on parle de doublage, un des grands acteurs que vous avez doublé, hein, et que vous doublez toujours d'ailleurs, vous êtes sa voix française officielle, c'est bien sûr Morgan Freeman. Donc, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à devenir sa voix française? Oh ben, ça a été un coup de chance. D'accord. Ça remonte dans les années 90, où je crois que c'est Universal, la société américaine Universal, voulait changer la voix française de Morgan Freeman. Pour quelle raison? Ça, je n'en sais rien. On ne me l'a jamais dit. J'imagine que c'est parce que le comédien qui doublait Morgan Freeman à l'époque était un comédien d'origine, je crois, guadeloupéenne, était un petit peu âgé par rapport à la voix. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais en tout cas, c'était un très très grand comédien, très bon comédien, comment dire, des Caraïbes, français bien sûr. Donc bref, on m'a convoqué pour passer une audition. Moi, je m'étais dit je ne serais pas pris. Et puis j'ai passé l'audition, puis deux jours après, on m'a dit, ben oui, les Américains t'ont choisi. Et puis voilà. Et pour le premier film que je fis à l'époque, qui était Les Évadés, ben, j'ai été pris. Mais de là, c'est succédé à peu près une 45 à 50 films. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas fait, hein, quand même, au milieu. Mm-hmm. C'est un autre acteur français, franco-camounais, qui le doublait, c'était Medondo. Mm-hmm. Autrement, j'ai fait une grande majorité de films, c'est moi qui les ai doublés. Mais vous savez, je reprends votre expression, la voix officielle, ce n'est pas moi qui dis que je suis la voix officielle, ce sont les médias qui disent ça. D'accord. Mais personne ne décide de qui est la voix officielle de tel ou tel ou tel personnage. Bien sûr. C'est parce que, bon, à partir du moment où on est fréquemment sur le rôle, et presque quasiment sur le rôle, alors on en vient à dire qu'effectivement, Allemagne est la voix officielle de Morgan Freeman. Justement, vous parlez de Medondo, bah, dont on salue la mémoire, qui était voix de Eddie Murphy, je crois. Exactement, exactement. Voilà. Ouais. Comme par exemple, à la télé, il n'y a pas longtemps, c'était Bruce Tout-Puissant qui est repassé à la télé, c'était Medondo qui faisait la voix de Morgan Freeman. Absolument, oui, bah, ça fait partie des 4 ou 5 films que lui a fait de Morgan Freeman et que je n'ai pas fait. Voilà. D'accord. Avec Chris, on s'est un peu chamaillé parce que j'étais persuadé que c'était vous. Alors du coup, il m'a montré la vidéo, il m'a dit alors tu vois que c'est pas lui. Mais je vais vous dire que le phénomène, très souvent je suis invité dans des conventions en province où alors on parle bien sûr de doublage, de métier de comédien, etc. Puis on me dit, ah, Bruce Tout-Puissant. Et je dis, mais ce n'est pas moi. Mais si, c'est vous. Je dis, non, c'est pas moi. Mais puisqu'on vous dit que vous l'avez oublié. Bon, alors, je rectifie à chaque fois. J'ai dit non, ce n'est pas moi. Voilà. Vous avez travaillé avec d'autres grandes voix du doublage, comme Dorothée Pousseau et Donnell Renew, que Chris a eu la chance d'interviewer il y a quelques mois. Voilà. Oui. Vous avez aussi travaillé avec Johan Sauver dans le film Insaisissable, par exemple. Est-ce que vous tournez les scènes en même temps, au même moment, ou est-ce que vous doublez à part les uns des autres grâce à plusieurs studios? Bon, de toute façon, nous sommes tous des comédiens indépendants. On n'appartient à aucun studio, hein, d'accord ? Bien sûr. On nous appelle pour un film. Ce film se fait chez Debye, il se fait ailleurs, chez Luno, etc., peu importe. On se retrouve pas toujours maintenant ensemble au micro. Il y a deux raisons. Bon, il y a eu le Covid ou la Covid qui a fait qu'on ne pouvait être que tout seul au micro. Voilà. Mm-hmm. Ça a été catastrophique parce qu'imaginez de jouer une scène de tendresse ou une scène de tension, de colère, tout seul, c'est pas possible, on ne peut pas être bon. Hein, c'est très compliqué. Bien sûr. Alors ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que maintenant, en numérique, chaque voix doit être sur une piste pour le mixage. Et on ne peut pas avoir deux voix sur une même piste. Parce que ça veut dire que l'ingénieur du son ne peut pas faire un bon mixage. D'accord. C'est pourquoi, quand on enregistre une scène, quand vous avez des répliques qui se chevauchent, comme ça arrive dans la vie, hein, quand on se coupe, quand on intervient, on est obligé de faire les phrases séparément. Après, d'accord, c'est le mixeur qui fait le mixage. Ça, c'est pour des raisons techniques. D'accord. Maintenant, ils en arrivent à autre chose pour des raisons économiques. C'est-à-dire que si c'est pas trop les scènes ne sont pas trop compliquées, eh bien vous faites en 2 heures ou 3 heures de temps les 15 ou 20 scènes que vous avez à faire dans le film, tout seul. D'accord. Sans les partenaires. Parce que comme ça, on ne vous engage que pour 3 ou 4 heures et c'est fini. Tandis qu'avant, on était engagé pendant un jour et demi. puisqu'on faisait des scènes à deux ou à trois. Ça multipliait le temps de présence dans le studio. Or, multiplier le temps de présence d'un comédien dans le studio, ça coûte cher. Alors, on travaille tout seul et on se retrouve seul au micro, ce qui est très dommage. C'est vrai. C'est pas toujours la réalité, mais les trois quarts du temps, il est vrai qu'on se retrouve tout seul. Et dites-vous qu'un jour, pour un film avec Morgan Freeman, qui jouait avec Diane Keaton, un film magnifique, qui n'est pas sorti sur les écrans, qui n'a été diffusé qu'en, vous savez, dans les abonnements vidéo. Mm-hmm. En une journée, j'ai fait le film tout seul. Toutes les scènes, je n'avais que des scènes avec Diane Keaton, et elle n'en avait qu'avec Morgan Freeman. Il y avait deux, trois autres comédiens qui intervenaient dans des petites scènes, mais autrement, l'essentiel du film, c'était ça. Un dialogue permanent, la vie de tous les jours. Et j'ai enregistré tout seul. Et la comédienne qui doublait Diane Keaton, je ne me souviens plus de son nom, est venue seulement deux ou trois jours après faire son rôle. Mais ça a été difficile pour elle, parce qu'elle était obligée de se caler sur ce que moi j'avais fait. Et si, par exemple, j'avais été trop violent dans une scène peut-être d'affrontement, ou trop mièvre, ou trop mou pour une scène de tendresse, elle était obligée de faire son jeu pour qu'il soit égal au mien. Et si je m'étais trompé, ben elle se trompait aussi. Bien Vous sûr. Voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. La complicité, quand on joue, elle est à deux. On ne joue pas tout seul. On joue toujours à deux. C'est comme au théâtre. Hein. Au théâtre, on ne joue pas tout seul. On joue avec les copains qui sont sur le plateau. C'est vrai. Donc, le film dont vous parlez, là, est-ce que c'est le film Ruth et Alex ? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et voilà. La comédienne qui doublait Diane Keaton, c'était Anne Plumet. Eh bien, voilà. Ben, merci. Oh là là, quelle mémoire. Bravo. Non, c'est sur son ordinateur. Oui, j'ai regardé sur Internet. Je... Ah ben, bravo. Par contre, moi, je voulais vous remercier pour tous ces renseignements parce que j'avoue que j'ai du mal. J'ose pas faire du théâtre parce que j'ai peur d'être toute seule. Mais on m'a dit, mais tu seras pas toute seule, c'est pas un one-man show, quoi. C'est le fait retrouver sur scène, tout ça. Autant j'ai pas peur d'être derrière un micro parce que voilà, je suis animatrice radio. Mais le fait de savoir qu'il y a des gens qui me regardent, ça me met un peu en stress, en fait. Il faut pas. Vous vous rendez compte la chance que l'on a. Vous répétez une pièce de théâtre. Mmh. Vous dites, oh, le public va venir. Mais ce public, alors là, oh, j'ai peur, j'ai le stress, j'ai le trac. On a le trac pourquoi ? On a le trac de faire une bafouille une fois. Mmh. Hein ? Bon, c'est tout. Mais imaginez, le public, lui, il ne vous connaît pas, ou très peu. Il a acheté sa place assez cher. Il a confiance en vous, il vient vous voir. Et c'est formidable, vous ne pouvez pas le décevoir. C'est un acte d'amitié qu'il a envers vous. Donc vous lui rendez, vous ne pensez pas à vous, vous ne pensez pas à votre trac, vous ne pensez qu'à lui, vous ne pensez qu'au bonheur et au plaisir de lui transmettre les mots et l'histoire que vous interprétez. Vous voyez, on ne joue pas pour penser à soi, on joue pour les autres. D'accord. C'est vrai. Non, et je voulais faire une petite, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai eu quelques mots... qui ont un petit peu, non pas dépassé ma pensée, mais je me suis mal exprimé, entre les acteurs de cinéma et les comédiens de théâtre. En disant que un comédien, quand on est pris pour un rôle au cinéma, on est pris pour ce que l'on à qui on ressemble. On est pris pour le physique. Tiens, t'as la gueule de l'emploi, t'as la gueule de ceci, tu es... Voilà. Un comédien de théâtre, lui, il va faire une composition physique de son personnage. Mmh. Vous voyez la différence ? Bien sûr. Voilà. Et c'est pourquoi moi je préfère que l'on garde le terme comédien quand on parle de théâtre et acteur quand on parle de cinéma. Parce que là, quand on prend Belmondo, on prend Bebel, on prend Gabin, on prend Delon pour la tête, la gueule qu'ils ont, ce qu'ils font habituellement, car ils font presque toujours la même chose en fait, mm-hmm. dans les personnages. On écrit toujours pour eux en fonction de ce qu'ils ont déjà fait. On en rajoute un peu quelquefois, mais vous les revoyez toujours triomphants ou costauds ou ceci ou cela, etc. Au théâtre, vous changez complètement de personnage à chaque fois que vous jouez, car les personnages sont différents en fonction des auteurs. Voilà. Et c'est là où le jeu, jouer à jouer, est important. Bah, je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire parce que personnellement, j'ai la chance de faire du théâtre à côté de la radio. Voilà, oui. En tant qu'amateur. Et puis c'est vrai que on a vraiment l'impression, c'est pas pour rien que les metteurs en scène nous disent des fois qu'il faut se tourner vers le public pour leur montrer qu'on joue pour eux, justement, alors bien que sûr. C'est un réalisateur de film ou de série, je pense qu'il vous dira rarement regardez la caméra. Ah ben oui, non, ça, non, surtout pas. Oh là là, surtout pas. Voilà. Bien sûr. Non, c'est pourquoi le jeu n'est pas le même, quoi. Le jeu n'est pas le même. Et puis maintenant, quand on tourne cinéma ou même télé, vous avez le petit micro HF qui est caché à l'intérieur de votre chemise. Il y a encore peut-être un perchman qui prend le son pour avoir un petit mixage possible. Donc vous ne portez pas la voix, vous jouez naturellement, etc. Au théâtre, non. Théâtre, vous avez votre organe, vous avez votre instrument. Vous êtes porteur vous-même de votre propre archet et de vos cordes, comme un musicien. Bien sûr. Et donc, du coup, être acteur de cinéma ou de télévision et comédien de doublage, bien que ça reste de la même branche, c'est quand même très différent. Donc, entre être à l'image, ou sur scène, et être dans l'ombre en tant que comédien de doublage, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous avez une préférence ou est-ce que vous, pareil, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous adaptez ? Ah mais je m'adapte. Quand je vais faire un doublage, je sais que je ne vais pas être vu. Mais je sais que je viens collaborer à un film qui va être vu. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Et puis au théâtre, je fais au théâtre en me disant, tiens, j'espère que ce soir, il y aura du monde dans la salle. C'est vrai. Eh bien, bien sûr. Voilà, le plaisir est différent. Mais la jouissance que vous pouvez avoir, elle est la même. Parce que je vois quand... il m'arrive de doubler, là, je n'ai pas que Morgan Freeman hein, comme acteur, j'ai deux, trois autres comédiens, on ne devrait pas le dire, mais enfin, ils sont blacks, américains, qui ont la soixantaine, qui ont une bonhomie, qui ont un sourire, qui ont une bonne humeur. Je les double, et je dois dire que c'est un véritable bonheur de le faire, comme vous avez le bonheur de faire rire le public au théâtre, quoi. Le bonheur est le même. Bien sûr. Alors, être comédien de doublage doit être plus compliqué, encore plus qu'être simple acteur, entre guillemets. Ça demande peut-être plus d'énergie ou pas ? Ça demande de la concentration. On va travailler très vite. Et puis, il faut piger très vite ce qu'est le personnage que vous avez à doubler. Et puis, bien voir ce que fait le comédien que vous doublez. Il ne faut pas oublier qu'au doublage, nous sommes au service du comédien que l'on double. On n'est pas là pour prendre sa place. Moi, je ne peux pas prendre la place de Morgan Freeman. C'est lui qui a joué. C'est lui dont on voit les traits et le jeu à l'écran. On ne peut pas changer une image. Donc, il faut que je sois vocalement et dans l'émotion et dans le rythme. Il faut que je sois à son niveau. Mais si je ne suis pas à son niveau, je le desserre. Bien sûr. Donc, pour moi, je dis, nous ne prenons pas la place des comédiens que nous doublons. Nous sommes là pour les servir. Voilà, et alors on réussit ou on réussit. Il y a des fois où on a du mal hein, à réussir, parce que quelquefois les personnages sont très compliqués. Je vois dans des séries, par exemple, suédoises, où les personnages sont très, très, très durs, très violents, c'est compliqué, parce que ce n'est pas notre culture. Il faut aller vers eux. C'est comme doubler en allemand, enfin doubler un film allemand. Et ils n'ont pas la même façon de jouer. Les Américains, ça va. L'américain, c'est assez cool, quoi. D'accord. Et au niveau du doublage, quels sont les différents formats sur lesquels vous avez eu la chance de travailler, comme des films d'animation, des jeux vidéo ? Ah ben, bon, alors, les jeux vidéo, ça, c'est encore autre chose. Ça, les jeux vidéo, depuis 30 ans, 40 ans maintenant que Nintendo a sorti ses premiers jeux, quand vous voyez l'évolution des images, l'évolution des scénarios... c'est formidable. On fait quasiment presque de la télévision, maintenant du cinéma, avec 3D et puis des personnages qui sont là. Et quelquefois même, on fait du véritable doublage. D'accord. Par d'autres fois, non, c'est simplement des dessins animés où là, il y a une ouverture de bouche toutes les deux secondes, quoi. Enfin, c'est un peu... Bon, c'est pas très, très bon, faut bien le dire. Bon, ça, c'est un autre travail. Parce que dans les jeux vidéo, vous ne donnez que des répliques. On vous explique en gros quel est le jeu, mais bon, mais vous avez des tonnes de répliques à dire, et vous savez que chaque réplique est légèrement différente en fonction de ce que le joueur fait. Bien sûr. Alors donc, on fait des répétitions de phrases avec d'autres, des intonations différentes, justement pour que le joueur se perde dans ses recherches, etc. Donc, ce n'est pas toujours un travail très, très plaisant. Mais bon, moi, j'ai la chance, on me demande toujours de faire des vieux, de faire des stages, je suis abonné à Dieu, qu'est-ce que j'ai encore? Ou alors des ordures, voilà, moi, c'est très bien. Moi. D'accord. Mais c'est plaisant, je ne crache pas du tout dans la soupe en disant ça, mais c'est une technique qui n'est pas très amusante, en fait. En revanche, le dessin animé, ça, c'est très amusant. Parce que le dessin animé, eh bien, vous permet, quand le dessin, vous êtes en création, c'est-à-dire qu'il n'a pas été doublé déjà, c'est pas un film, c'est pas un dessin animé américain ou japonais, etc. Vous apportez vous-même la couleur du personnage avec les dessinateurs et les concepteurs. Et là, vous pouvez vous permettre de chercher, de trouver des choses amusantes, etc. Ça demande une grande précision. Mais c'est chaleureux. J'ai fait beaucoup de dessins animés de Walt Disney. J'ai fait toute une série avec Baloo. Et là, on hurlait de rire parce que les Américains nous avaient laissé le libre choix dans l'adaptation. Et il y avait, on était 5 à 6 comédiens, donc de presque tous les personnages du livre de la jungle, mais que l'on retrouve, c'était au siècle dernier, même pas au début du siècle dernier. C'était les aventures de Baloo avec son zingalo. Et bien, c'était drôle. Et là, on s'est éclaté parce qu'on avait la liberté de créer. Voilà. Donc, les dessins animés, comme vous avez un dessin animé très, très sérieux, les Français font de très, très beaux dessins animés hein, qui n'ont rien à voir avec les gros dessins animés américains là, à notre époque, là où on a surtout des personnages gavés de raclocoum et puis de popcorn. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, les dessins animés français et belges, il y a une profondeur, il y a une recherche, il y a un scénario, c'est tout à fait différent. Voilà. Mais ça, c'est du plaisir. C'est tout à fait du plaisir. Comme vous pouvez avoir du plaisir à faire une petite série, comme il y en a en ce moment, là, je sais pas, j'en fais une, ils en sont à la troisième année, le personnage vient, puis il disparaît, puis il revient, etc. Vous voyez l'évolution, bon, c'est bonhomme, c'est gentil, c'est... Mais c'est du travail que l'on fait très sérieusement. Bien sûr. Voilà. C'est important. Mm-hmm. Oui. Sur tous les films que vous avez doublés, est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous a touché et qui était l'acteur que vous doublez à ce moment-là? Alors, j'en ai deux. Bien sûr, j'ai Morgan Freeman dans Les Évadés. Parce que c'est la première fois où dans un film, un grand film, l'acteur principal est à la fois le narrateur de ce qu'il vit et on le voit vivre ce qu'il vient de narrer. D'accord. Donc il y a deux tons tout à fait différents à voir. Et c'était un film sur l'amitié qui était magnifique, vraiment magnifique. Ça c'est ce film. Il a été le premier de la longue série de films que j'ai doublé avec Morgan Freeman, même si dans cette longue série il y en a qui sont prout-prout. D'accord, ok. Mais ils sont tous pareils, on a tous besoin de payer son assurance maladie. Autrement, il y a un autre film, et là je n'arrive jamais à retrouver le titre, hélas, qui est un film qui m'a profondément remué. Je vais vous expliquer. C'est un film qui avait déjà été doublé en français. Et puis un jour on m'appelle, on me dit « Benoît, il y aura un personnage à refaire, etc. etc. » Ah bon? Et je vois la première séquence de ce film et on m'explique. C'est une histoire qui se passe à New York. C'est un couple d'homosexuels. L'aîné est le patron d'une boîte transgenre, si vous voulez. Et il a son petit ami, bon, qui est, c'est son petit ami, c'est son amour. C'est leur vie à tous les deux, c'est parfait, c'est très beau. Et le petit ami est battu à mort à coup de baseball par une bande de malfrats new-yorkais, etc., etc. Et tout le film, eh bien, c'est la perte de ce garçon. Et les scènes les plus douloureuses étaient entre la mère de ce garçon et l'ami de ce garçon, donc le personnage que je jouais, et car la mère ne connaissait pas la vie de son fils. Et là, elle le découvre avec son ami. Voilà. Et à la fin de certaines séquences, la comédienne et moi, à l'époque, on travaillait ensemble, on avait les larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce qu'on évoquait les sentiments humains les plus simples. On parlait d'amour, on parlait de douleur, on parlait de violence, on parlait d'espoir perdu. Et on oubliait complètement qu'il s'agissait d'une affaire d'homosexualité. C'est-à-dire que l'amour, quel qu'il soit, ressenti par n'importe qui, homo, pas homo, on s'en fout. L'amour humain est toujours le même, la douleur est la même, le bonheur est le même, et on l'oublie. On l'oublie dans les critiques que l'on entend parfois dans les journaux, ou à la radio, dans les médias, vous voyez ce que je veux dire à l'heure actuelle. Place avant tout au sentiment humain, à la vérité, à ce qu'on ressent le plus simplement du monde. On est tous pareils avec nos différences, devant la douleur et devant l'amour, devant la perte de quelqu'un que l'on aime. C'est bon. Et en sortant de ce film, je dis pas que j'ai été bouleversé, mais ce film m'a permis de remettre en place dans la tête l'ordre des choses. Parce qu'on oublie ça, en fait. Hein, on oublie. Tout d'un coup, vous voyez des scènes de douleur et vous dites « Ah oui, merde, quand même. » Quelquefois, on se trompe dans nos jugements. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux dans la douleur, dans la joie et dans l'amour. C'est joli, c'est joliment dit. Oui, enfin, je ne sais pas, mais vous voyez, c'est ça, on sort de là, on dit, tiens, ah moi, je suis content, j'ai bien fait mon boulot. Bien sûr. Parce que j'ai appris en plus quelque chose. Et la raison pour laquelle on m'a demandé de refaire ce film, et ce n'est pas une critique de ma part vis-à-vis du comédien qui l'avait déjà doublé, mais ce comédien qui l'avait doublé était lui-même, disons, homosexuel, et ça devenait une caricature. Ah, d'accord. Et en donnant une caricature, ça décrédibilisait complètement le film. Oui. Et j'ai trouvé que c'était courageux de la part de la production de faire ça. Et encore une fois, je ne le dis pas du tout contre le comédien. Hein. On est bien d'accord. Mm-hmm. Mais il fallait mettre les choses, que ça soit une histoire de tous les jours. Et c'est magnifique. C'est vrai. Avant de nous intéresser à votre carrière en tant que comédien de théâtre, et de passer à cette troisième partie d'émission, nous vous proposons de nous lancer tout de suite dans la deuxième pause musicale que vous avez choisie, Benoît. Oui. Et nous allons écouter le célèbre morceau intitulé Another Brick in the Wall du non moins célèbre groupe Pink Floyd. Voilà. Et on écoute ce morceau et on en dit quelques mots juste après. Donc, d'accord. À tout de suite sur Radio Gamazo. Ouais. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Brick in the wall. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Benoît Alman. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet, Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Nous allons maintenant parler de votre grande carrière de comédien de théâtre. Est-ce que vous avez fait une formation pour devenir comédien, Benoît ? Bah oui, du coup, parce qu'on en a parlé au début. Mais oui, oui, oui. Alors, je vous ramène au début de l'émission. Vous remontez la bande. C'est ça. Mais oui, mais bien sûr. Bien oui, j'ai fait l'École nationale de Strasbourg en 1960. Voilà. Voilà. D'ailleurs, on ne vous a pas posé la question, donc je vais le faire. Pourquoi ce choix des Pink Floyd ? Ah oui, j'ai oublié de demander cette question. Voilà. Oui, il y a deux raisons. C'était les années 75, hein, à peu près, je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait un grand engouement pour les Pink Floyd, une musique assez extraordinaire, assez belle. Et puis l'idée du mur, le mur qui nous entoure, le mur, enfin l'enceinte dans laquelle on est prisonnier, et ce mur qu'on essaye de démolir pour se libérer de tout ce qui nous, de tous les boulets qui nous maintiennent un petit peu immobiles dans la vie, quoi. C'est une image. J'ai toujours beaucoup aimé ce waltz là. Voilà. Voilà. Et puis la deuxième, c'est qu'à l'époque, je montais un spectacle pour lequel j'avais besoin d'une grande musique. Il y avait à peu près 20 minutes de musique dans ce spectacle. Et le compositeur que j'avais m'avait fait écouter les Pink Floyd, et la musique qu'il composait lui-même avait, par moments, au niveau des instruments, avait cette même pureté, cette même sonorité, et vous savez, ça remonte les années 75-80, ça remonte à il y a 40 ans, hein, ben, d'accord, ok, oui. Donc il y a le petit côté nostalgie qui bien joue, sûr. Voilà. Oui, ben, j'ai vérifié justement ce morceau des Pink Floyd de 1979. Eh bien voilà, 79, oui, vous voyez, 75, voilà. Non, mais 60. Eh bien 79, c'est exactement la date de création de ce spectacle, voilà. Donc nous avons vu sur Internet, en tant que comédien de théâtre, que la première pièce, ou une des premières pièces dans laquelle vous avez joué, date de 1963. Donc est-ce que vous aviez eu l'occasion de jouer dans une pièce avant, mais qui n'apparaîtrait peut-être pas dans votre biographie sur ce célèbre site Wikipédia ? Mais bien sûr, c'était la période où je faisais du théâtre en amateur, tout simplement. Voilà. Oui, parce que ça comptait pas. Oh, on va pas compter ça. Mais les premières, c'était, j'avais 16 ans, hein, en fait. J'avais 16 ans et demi. Et la première pièce, le premier grand rôle, c'était une pièce qui s'appelait Beau sang de Jules Roy. Beau sang comme un beau, le beau, comme beau, la beauté. Et sang, le sang. Et c'était une pièce sur les Templiers, un texte assez magnifique de Jules Roy. D'accord. Voilà. Et ça remonte, oui, je devais avoir 16 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Les Templiers, c'est pas quand ça se passe au Moyen-Âge, ça ? Ben, si, vous avez raison, vous avez gagné. Merci. Voilà, leur création 1095 et leur fin 1223, quelque chose comme ça. En jouant cette pièce, ça m'a passionné sur justement les Templiers, ce qu'étaient les Templiers. Et il y a encore jusqu'à il y a une dizaine d'années, j'achetais des ouvrages sur les Templiers parce qu'il en sort beaucoup. Il y a beaucoup d'âmeries qui sont dites dessus, bien sûr. Mais il y a des choses assez magnifiques. Et c'est une période assez méconnue de notre histoire de France. C'est vrai. Moi, j'avais une question. Nous avons également remarqué sur Internet / Wikipédia voilà. que vous avez joué dans des pièces de grands dramaturges, mais est-ce que vous avez joué des pièces beaucoup plus légères, comme des comédies, par exemple ? Ben oui, avec Michel Leeb, je l'ai dit, c'était Le Tombeur. Et la pièce Le Tombeur, on l'avait jouée au théâtre créé à la Porte-Saint-Martin. Après, on l'a jouée au théâtre des Variétés. Puis après, pendant un an, on l'a tournée en France. C'était une pièce de Robert Lamoureux. C'est une pièce, là où je me suis éclaté, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Michel Leeb, je jouais le rôle d'un mari cocu, et quel plaisir que de jouer le rôle d'un mari cocu sur un plateau, quoi. Parce que, on est la cible de toutes les critiques, parce qu'on vous trouve con, et c'est vrai qu'il était un peu con, mon bonhomme, et puis en même temps, on le plaint, en disant, le pauvre vieux, il est cocu, bah oui, mais il est cocu, parce que, bah oui, bah bon, bref. Voilà, c'était un grand plaisir. Mais c'est une des rares pièces comiques que j'ai jouées. On m'a toujours pris, moi, pour une pièce jouée en 1968-69. Peter Ustinov, je ne vais pas plus... vous le connaissez, j'imagine. Ce grand acteur anglais, dramaturge. Non, on ne le connaît pas, non. Vous ne connaissez pas Peter Ustinov? Eh non, malheureusement. Alors, écoutez, ce soir, vous ne vous endormez pas. Vous allez sur Wikipédia et vous cherchez Peter Ustinov. C'est un des plus grands dramaturges britanniques du siècle dernier. Oui, puisqu'il est décédé en 1990-95, quelque chose comme ça. C'était un homme, mais d'un humour, d'une gentillesse extraordinaire. Il était à la fois anglais, russe, il a eu une grand-mère française ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, un homme magnifique qui en France avait monté déjà 2-3 de ses pièces qui avaient eu énormément de succès. Et donc, l'amour des quatre colonels. Donc, l'amour des quatre colonels, c'est déjà un titre qui laisse sous-entendre qu'on va rigoler, quoi. Et là, la pièce que nous avions montée s'appelait Le soldat inconnu et sa femme. Et c'était une pièce émouvante et à la fois très drôle. Et je l'avais jouée, on l'avait créée à Lyon, puis après on l'avait reprise à Paris au Théâtre des Ambassadeurs, avec des comédiens comme Claude Pieplus, Michel Deray, etc. C'était du bonheur, parce que j'avais un rôle très important, et voilà, j'en ai gardé. Peter Ustinov, pour vous dire, un jour, il aurait demandé un assistant pour un spectacle à monter en France, j'aurais dit oui, moi je veux bien, avec vous je veux bien. D'accord. Parce que c'est un monsieur qui était tellement entraînant, qui était généreux, qui était très intelligent, malin comme tout, quoi. Voilà. Eh bien, c'est noté pour moi, je regarderai ce soir quand je serai rentré. Peter Ustinov, allez. Je regarderai. Par contre, je voulais juste vous demander, vous n'aviez pas joué une pièce dirigée ou jouée avec Gérard Houry, qui a fait Les Visiteurs, je crois? Ah ben si, avec Gérard Houry. Ben, c'est une pièce qui malheureusement n'a pas eu de succès. Ah. On l'a jouée juste 2 mois, je crois. Et c'était, je ne me souviens plus quel théâtre, à Paris, le gymnase, le théâtre du gymnase. La pièce, oui, n'avait pas fonctionné. C'est dommage, avec Claude Weber, avec... Jacques Weber, avec cette comédienne qui joue actuellement à Paris dans un théâtre, je ne me souviens plus de son nom, ça va me revenir. Une pièce intéressante, mais bon, ça n'a pas marché. Et quel style, justement, de théâtre? Parce que comme vous l'avez dit, vous avez souvent été embauché pour faire des grands personnages, si on veut, des personnages assez durs, mais... Également, vous avez joué dans quelques comédies. Donc, quel style préférez-vous jouer sur les planches? Est-ce qu'il y a un style en particulier que vous préférez interpréter? Bah, écoutez, maintenant bon, à mon âge, je préfère jouer des pièces de divertissement, bien évidemment. Mais du fait de ma voix et de ma taille, très jeune, quand je suis sorti d'école dans les années 60, tout de suite, moi, c'était la tragédie. Et j'en ai joué des tragédies, hein, je vais vous dire. Oui. Et maintenant, je ne supporte plus les tragédies. Bon, mais ça, c'est autre chose. J'ai du mal, si vous voulez, j'ai du mal. C'est admirablement écrit, c'est tout ce qu'on veut, mais moi, je ne peux plus. Je ne peux plus, j'en ai tellement joué. Et quand je les ai joués, pour certaines, dans Andromaque, j'ai joué au reste pendant plus d'un an, j'en ai gardé un souvenir émerveillé, parce que le personnage est magnifique à jouer, et puis la troupe était superbe, et l'accueil du public aussi, donc j'en ai gardé un très bon souvenir. Mais il y a des tragédies dans lesquelles j'ai pu jouer, où on m'a fait interpréter les rôles d'une façon un peu tordue, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et bon, et là j'ai eu beaucoup de peine. Vous savez, les metteurs en scène qui pensent que les auteurs n'ont pas bien exprimé ce qu'ils voulaient dire et qui en rajoutent, qui amènent leur patte personnelle jusqu'à, en fin de compte, quelquefois déformer l'œuvre originale. Ça, c'est très dommage. C'est très dommage. Et bon. Et autrement, j'ai joué des comédies de Molière, j'ai joué... Mais j'ai pas joué de Marivaux, j'ai pas joué de pièces légères, ni de Vaudeville, un Labiche, si une fois un Labiche. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Je voulais vous demander, parce que vous avez été dirigé par le grand Robert Hansen, qui nous a déjà quittés il y a pas mal d'années, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui? Alors, c'était un être formidable. J'ai fait 6 à 7 spectacles avec lui, ce qui veut dire que pendant 8 ans et demi, on ne s'est, je ne dis pas quitté, bon, c'est pas, faut pas dire ça comme ça, mais presque quoi, parce que des spectacles, vous répétiez 2 mois, et vous jouiez à peu près 4 mois. Donc vous voyez, ça fait quand même, et dans des petits lieux comme le Palais des Sports, qui fait 4000 places, ou le Palais des Congrès, qui en fait presque autant. Mmh. Et c'était toujours des très grands spectacles, dans lesquels parfois j'avais des rôles bon, moyens, et d'autres fois j'avais des rôles très importants. Et mais c'était formidable de jouer avec lui, parce que c'était un homme bon, qui râlait tout le temps, etc. Mais en fait, il avait un très bon caractère. Il aimait les hommes, il aime l'humain. Je dis il aimait parce que malheureusement, eh bien, il est décédé il y a 2 ans maintenant. Mmh. Mais bon, il était un peu comme Claude Sautet, quand Claude Sautet avait des doutes dans sa mise en scène, ou qu'il avait du mal à trouver ses idées, bah, il piquait des colères. Bah, Robert était un peu comme ça, pareil. Et Jean-Christophe Averty aussi. Alors Jean-Christophe Averty, vous allez me dire qui c'est. Vous ne savez pas qui est Jean-Christophe Averty ? Non plus, bon. Non. Alors, Wikipédia, Jean-Christophe Averty a été un des plus grands créateurs de la télévision française. D'accord. Dans les années 70 à 83-84. C'est lui qui a mis au point tous les trucages. Grâce, bien sûr, à un ingénieur qui s'appelait Max de Brenne, qui était son coéquipier, quoi. Ils étaient main dans la main. Et Jean-Christophe, lui, avait une vision du théâtre, avait une vision de la musique. En tout cas, avec lui, nous jouions, nous étions des marionnettes, voilà ce que je voulais dire. Nous étions des marionnettes, des pantins au service de son imaginaire et au service de l'électronique. Et alors on dit, oui, toi, bah, tu joues ça, tu tournes ça, c'est pas, ça te rapporte rien. J'ai dit, mais si, je suis, moi, comédien, à la disposition d'un créatif, d'un créateur. C'est lui qui a l'image finale dans son cortex, c'est lui qui est le responsable de son émission. La vision qu'il a de la poésie, du texte, etc., c'est à lui, c'est son domaine. Moi, comédien, je suis à sa disposition. J'en reviens un petit peu à la notion de « nous sommes au service de ». Ben, un comédien, il est au service d'un auteur puisqu'il est son porte-parole. On est des passeurs de mots, on est des passeurs d'histoires. Donc on est au service de ceux qui ont écrit ces histoires ou qui les réalisent, tout simplement. Donc pour moi, Averty, Ossen, c'est des grands. Ce sont des grands. Bien sûr. Bah, Sautet aussi, mais Sautet, c'était aussi des mains. Ça, c'est tout à fait différent. Justement, au théâtre, est-ce qu'il y a un rôle en particulier qui vous a le plus marqué? Et si oui, pour quelle raison? Alors, c'est un rôle dans Victor Hugo, dans une pièce qui s'appelle « Mangeront-ils ?», beau titre, hein, qui est une pièce mais complètement surréaliste, qu'il écrivit dans son époque de théâtre en liberté. Il était à Guernesey en exil. Et c'était une histoire complètement folle d'un petit couple d'amoureux qui échappe, bien sûr, à un grand méchant roi. Ce couple va se réfugier dans une forêt sombre où règne une sorcière et un bandit. Oui, déjà. Bon. Tout ça, c'était écrit en alexandrin, enfin en vers, mais d'une façon tellement drôle, tellement insensée, bah, comme Victor Hugo pouvait le faire. Et moi, je jouais le bandit. Et ça a été du bonheur. Ça a été vraiment du bonheur pendant, je ne sais pas, on l'a joué plus de 100 fois. Et ça a été un très grand plaisir. Ça, c'est quelque chose que je garde dans la tête. Et il y en a d'autres, mais qui ont été peut-être des plaisirs plus fugaces, plus rapides. Bon, peu importe. Il vaut mieux avoir des petits souvenirs comme ça que de grands souvenirs de bide. C'est vrai. C'est pas et j'en ai fait des pièces qui n'ont pas du tout marché, où on a même pas joué 4 fois tellement ça a été la catastrophe. Ben voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai. Vous avez adapté, mis en scène une œuvre qui s'appelle « Dans la fourrée » qui a été jouée au Théâtre Le 50. Vous avez été multicasquette pour cette pièce parce que vous avez été, vous aviez mis en scène, vous avez joué, etc. Est-ce que c'était difficile d'être fidèle à l'œuvre originale, de diriger d'autres comédiens et en plus d'interpréter votre rôle en même temps ou pas? Alors je vais vous dire, ça a été très simple. pour les raisons suivantes. C'est qu'il n'y avait qu'un seul comédien. D'accord. Un seul comédien qui joue les sept personnages, même si parmi ces personnages, il y a deux femmes, le seul comédien, c'est moi. D'accord. D'accord. Donc, déjà, au niveau de l'administration et du financement, ça allège les coûts. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Oui. Bon. Et puis, je suis resté fidèle au texte original. Bon, bien sûr, je l'ai adapté au théâtre, puisque ce n'était qu'une nouvelle. Comme j'ai une certaine passion pour la littérature japonaise, ça m'a été assez facile. Je ne connais pas la langue, hein. Il n'y a aucun problème. Mais l'esprit, je pense, le bien l'avoir. Et en ce moment, je joue la pièce en ce moment. Mais ça ne s'appelle pas Dans la forêt. Ça s'appelle, l'œuvre originale s'appelle Dans le fourré. Mais moi, je l'ai adapté, puisque c'est une enquête policière, par le titre Qui a tué Takehiro ? Takehiro est effectivement l'homme qu'on a retrouvé mort dans le fourré. Voilà. C'est l'histoire d'une enquête sur ce meurtre, où six témoins viennent dire ce qu'ils ont vu. Ils répondent à des questions qui ne sont pas posées, bien sûr, par un instructeur qu'on ne voit pas. Ils font leur déposition, et le dernier qui vient déposer est la victime elle-même. Et après que l'on ait écouté son récit, ben on se pose la question, mais qui a tué ce samouraï ? Qui a tué Takehiro ? Et une fois que la pièce est terminée, je demande aux spectateurs, je leur dis, bon, allez, c'est pas fini. Qui a tué Takehiro ? Allez, je ramasse les copies dans 10 minutes. Et il y a un débat qui se crée avec les spectateurs. Un débat qui n'est pas toujours évident, hein, parce que les gens n'osent pas trop parler, etc. Ou alors, tout d'un coup, hop, des questions fusent, des réflexions arrivent, et puis à un moment, je dis, bon, bah, écoutez, maintenant, il faut arrêter, quoi. Mais c'est bien, parce que on s'aperçoit que chaque personne, chaque spectateur, en écoutant les témoins, bien, retient un détail particulier. Et se sert de ce détail pour dire, ah, moi, je crois que j'ai trouvé, ah, ceci, cela. C'est formidable, c'est très amusant. Puis moi, j'adore ça, puis dialoguer avec les spectateurs à la fin, c'est magnifique, parce que de les voir sourire, de les voir participer, ben, vous êtes content parce que c'est une bonne complicité, quoi. C'est notre métier. Bien sûr. Et également, vous avez interprété une autre pièce au théâtre Les 50, une nouvelle fois, c'est Les Belles Endormies. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus aussi, sur cette pièce ? Alors, c'était une lecture d'un petit montage de roman que j'avais fait. D'accord. De Kawabata, hein, dans le fourré, c'est Aku Gawata, et Les Belles Endormies, c'est Kawabata. Ouais. D'accord. Les auteurs japonais, c'est très difficile. J'ai 130 bouquins japonais ici. Je me mélange entre les prénoms et les noms, c'est la catastrophe. Bon, Dans le fourré, c'est une histoire magnifique. C'est là où on pénètre un petit peu l'esprit japonais. C'est une histoire qui pourrait être, comment dire, glauque, triste, saumâtre, mais pourrait, bon, bref. C'est au contraire magnifique, d'abord magnifiquement écrit. C'est dans une maison qui pourrait être une maison de passe, qui n'est pas une maison de passe. Les Belles Endormies, ce sont des jeunes filles qui ont 18-20 ans et que l'on endort. Et elles vont passer la nuit avec un homme. Et la règle, c'est l'homme ne doit pas les toucher. D'accord. L'homme est là. Il est là. Et en fait, c'est quoi ? C'est un homme qui a toutes les réflexions que peut lui procurer la présence de cette jeune femme qui dort à ses côtés. Elle ne sait pas qui est là, hein, puisqu'elle dort, elle est droguée, elle dort. Oui. Et lui, il est à côté de cet être, et il l'entend respirer, et en fait, et vivre. Et tout cela le ramène dans ses premiers amours, tout en arrière, dans toute son existence. C'est un chemin à l'envers qui est fait et qui est magnifique. Et au petit matin, il s'en va. Et la jeune fille se réveille. Mais elle ne sait pas avec qui elle a passé la nuit. D'accord. Et il ne se passe rien. S'il se passe quelque chose, tout de suite, il y a quelqu'un qui intervient et qui met le vieux monsieur dehors, quoi. Mais pas du tout. C'est presque religieux, quelque part. C'est philosophique, en tout cas. Mmh. D'accord. Et donc c'était une lecture que je faisais, comme si c'était l'auteur qui lui-même racontait ce qu'il avait éprouvé en passant cette nuit avec cette jeune fille. D'accord, c'est original. Mm-hmm. Ah, c'est très très beau, à lire c'est très très beau. Je vous conseille Les Belles Endormies de Kawabata, prix Nobel de littérature japonais. De toutes les pièces auxquelles vous avez pu participer et jouer, que ce soit en tant que rôle principal ou secondaire, laquelle vous a le plus marqué ? Laquelle m'a plus marqué ? Oh, bah j'ai plein de tellement bons souvenirs dans chacune des pièces qu'il m'est difficile de dire laquelle choisir. Parce que ça serait faire honte aux autres. Par exemple, une avec Robert Hossein. Pourquoi ? Ce n'est pas par rapport au rôle que j'ai joué. Je vous explique. Robert Hossein avait monté au Palais des Congrès à Paris. Il avait monté un grand spectacle sur la Révolution française. Ça s'appelait Danton et Robespierre. Et moi, je jouais un rôle important dans la pièce. Mais comme dans toutes ces grandes aventures avec Robert, il y a des sécurités qui sont prises par rapport aux comédiens. Par exemple, si un comédien comme Bernard Fresson avait un accident, il ne pouvait pas jouer. Donc il y avait un comédien dans le spectacle qui était sa doublure. Et moi, on m'avait demandé d'être la doublure de Bernard Fresson, au cas où il lui arrive quelque chose. Ce qui voulait dire que moi, j'avais moi-même quelqu'un qui me doublait. Hein, d'accord. Vous voyez ? Bon. Et un vendredi, un jour, on me dit, Benoît, tu joues demain. Ah. Et je n'avais répété jamais sur le plateau. Je connaissais la mise en scène puisque je jouais tous les soirs. Je voyais ce que faisait Bernard, etc. Et j'avais appris le texte par cœur, bien évidemment. Mais tout à coup, là vous vous retrouvez devant 4000 personnes et vous devez y aller. Et je l'ai fait. Ça s'est bien passé. Mais le souvenir merveilleux de ça, c'était quoi ? C'est pas d'avoir terminé et puis d'avoir été félicité en public par Robert. Bien sûr, ça fait plaisir. Non, le grand bonheur, ça a été pendant que je jouais. Mmh. Le décor était fait d'immenses cubes, où on était tous sur des hauts cubes. Et à la base des cubes, il y avait derrière, dans l'ombre, les comédiens attendaient leurs entrées, etc. Et j'entendais toujours, derrière le cube où j'étais, j'entendais toujours va-et-vient. Et à un moment où je ne jouais pas, j'ai jeté un coup d'œil. Bien, il y avait deux copains qui étaient là avec le texte. Ils étaient là simplement pour me soutenir au cas où j'aurais eu un problème de mémoire. Je leur avais rien demandé. D'accord. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ben c'est ça la fraternité dans le métier. Et ça m'a profondément touché. C'est vrai, c'est un joli acte, un bel acte de la part de ces deux. De ces... Ah mais tout à fait. Oui, oui. Et ils l'ont fait comme ça, j'aurais rien demandé, voilà. En tant que comédien de théâtre, une nouvelle fois, vous avez également joué dans une version de la célèbre pièce Antigone en 2013, je crois, à savoir qu'il existe plusieurs versions de cette pièce. Hein. Oui. Donc, quelle était celle que vous avez interprétée ? Est-ce que c'était la version originale de Sophocle ou est-ce que c'était la version de Jean Anouilh ? Non, c'était la version de Jean Anouilh. Ouais. D'accord. C'était la version de Jean Anouilh qui avait été un petit peu adaptée aussi par le metteur en scène, Frédéric Desbordes, au Théâtre des 50, juste à côté de Genève. Et il avait fait de Créon, enfin le personnage que je jouais, mm-hmm. donc l'oncle d'Antigone, il en avait fait un Achar Bel-Assad, enfin il en avait fait une ordure syrienne qui a actuellement et qui massacre un peu tout le monde. J'étais pas tout à fait d'accord parce que c'était pas ça dans l'histoire avec Sophocle, mais bon. Et ça a été un grand plaisir de jouer cette pièce, et surtout d'avoir à la fin de la pièce un dialogue avec le public, car on demandait au public, mais à qui donnez-vous raison ? Est-ce que vous donnez raison à Antigone, ou est-ce que vous donnez raison à Créon ? Créon qui a refusé la sépulture aux frères d'Antigone, parce que d'abord ils s'étaient entretués, déjà eux, voulant prendre le pouvoir, et ils avaient voulu aussi tuer Créon, etc. Eh bien, le public, les trois quarts du temps, à 55% du temps, donnait raison à Créon, et non pas à Antigone. C'était très, très étrange, alors qu'on pourrait s'attendre au contraire. C'est-à-dire à lui dire, non, elle a eu raison de vouloir enterrer dignement son frère, etc. Non. Et c'est là où on prend le comment dire, le pour en fin de compte du spectateur. Comment il pense, pourquoi il pense ça, etc. Alors, ça donne lieu à débat, puis par moment, les gens reviennent sur leurs décisions parce qu'ils n'ont pas peut-être perçu la chose exactement comme voilà. Mais c'est bien, mais la pièce est magnifique. De toute façon, la pièce est magnifique. Magnifique. Je vous propose de nous lancer dans une dernière pause musicale de votre choix, Benoît, à savoir la musique du film La Strada de Federico Fellini. Très bon accent italien, on notera quand même. Bravo. On se retrouvera juste après sur le 107. Bien sûr, merci. Nous sommes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission Chacun sa voix. Vous venez d'écouter la musique du film La Strada de Federico Fellini, film sorti en 1954. Et nous sommes toujours en compagnie, au téléphone, de Benoît Alleman, qui est là pour nous parler de son immense carrière. Donc Benoît, même question que pour les précédentes pauses musicales, pourquoi ce choix ? Imaginez, vous avez donné la date, 1954. Je suis né fin 1942, disons, 1er janvier 43. D'accord. J'avais donc 13 ans. Et c'est la première fois de ma vie où, à Nancy, j'allais seul au cinéma pour voir ce film qui était présenté dans une salle de cinéma assez belle d'ailleurs, mais dans un cycle d'arrêt-essai. D'accord. Et je ne commençais pas à faire de théâtre déjà encore à l'époque. Mais je suis allé voir ce film. Pourquoi je suis allé voir ce film, je n'en sais rien. En tout cas, mes parents, enfin ma mère, m'avait laissé y aller. Et c'est la première fois où j'allais au cinéma tout seul en plus. Et j'ai été émerveillé par ce film. C'est une histoire qui est assez triste, faut bien le dire. Mais le jeu des acteurs, c'était extraordinaire. Je vous enjoins et je vous conseille vraiment de le regarder. Bien sûr, ça pourra paraître un petit peu vieux, mais c'est le second film de Federico Fellini. Et il y a toute la puissance de cet homme, il y a son regard sur l'humain, sur la femme. C'est magnifique. Et j'ai toujours gardé en mémoire d'abord la musique et puis le visage de Violetta Massina qui jouait La Strada, qui jouait le personnage principal, qui était vraiment... assez extraordinaire. Voilà, c'est un souvenir d'enfance. C'est ma petite Madeleine de Proust à moi. D'accord. Vous faites également de la bande-annonce radiophonique. J'ai découvert une version récemment quand j'ai interviewé Jean-Luc Demandre, qui a été le metteur en scène du spectacle Des Flammes à la Lumière, qui se passe lors de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce qu'il vous a contacté ? Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça ou pas ? Oh non, mais pas du tout. Mais moi, je fais énormément de son et lumière, ou de comment on appelle ça, de reconstitution historique, où je prête ma voix. Ça, mais j'en fais partout en France. Ça, c'est, tous les mois, j'en ai un. Hein. D'accord. où on demande ma voix. Bah, on demande la voix de Morgan Freeman. On demande la voix, très souvent, vous êtes la voix qui a bercé mon enfance. Alors ça ne me rajeunit pas, parce que quand ce sont des gens de 60 ans qui me le disent, bon, ça, j'ai compris. Bref. Mais non, j'en fais beaucoup, puis j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Enfin, Jean-Luc, bien sûr, j'en ai fait beaucoup, beaucoup avec lui sur tous les spectacles qu'il a montés dans la Meuse, hein, là-bas, sur la guerre de 14-18. Mais vous êtes de là-bas, vous, en fait. On est à côté des Vosges, 88. Pas vraiment à côté, pour le coup. Non, bah, on est dans le Grand Est. Oui, non, mais attendez voir. Précisez-moi un petit peu les Vosges. Vous me dites 88, quel endroit ? Est-ce que vous voyez Épinal ? Ouais, évidemment, j'étais en pension à côté d'Épinal. Oh là là. On est à, allez, on va dire, 15-20 minutes d'Épinal, à côté de Remiremont. On est entre Épinal et Remiremont. Alors moi, pendant 20 ans, j'ai eu une maison à Ramonchamp. Oui, bah, c'est pas et si loin. Ramonchamp, c'est juste à côté du Tillot. Oui, voilà, parce que nous, nos locaux à Radio Guémozo, ils sont pas si loin de tout ça, c'est tout proche. Voilà, et j'ai eu l'occasion de retourner dans la vallée, là, à Ramonchamp, il y a 4 ans, quand mon fils s'est marié, car lui, il a gardé la maison. Enfin bon, bref, je passe sur cet épisode. Il s'est marié à Ramonchamp, dans les Vosges, donc il a pu aller revoir ces endroits-là. Et j'ai vu la transformation de Remiremont. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est joli. Je trouve que c'est un pays magnifique. Les Vosges, c'est un pays magnifique. C'est vrai. Et je l'ai connu depuis la fin de la guerre, quand on habitait à Nancy. Donc, qu'est-ce qu'on faisait quand on partait en week-end? Enfin, c'était pas des week-ends à l'époque. On prenait le car ou la Micheline, puis on allait de Nancy à Gérardmer. Et puis on revenait, ou on allait à la Bresse, puis on revenait. Et puis après, les Canscoutes. Alors, les Canscoutes dans les Vosges, j'en ai fait, je peux vous dire. Bon, et je trouve que ce pays est merveilleux. Et ma mère, elle, est alsacienne. Donc, ce qui fait que je passais souvent de l'autre côté, du ballon d'Alsace, non, pas du ballon d'Alsace, du col de Bussan pour tomber sur, bien sûr, sur Colmar, etc. Saverne et Colmar. Voilà. Et ben ouais, nous, on est à 5 minutes de Remiremont au ah, niveau bah c'est bien, des ah, locaux. Bah c'est bien. Okay. Et du coup, si un jour vous passez dans les Vosges, vous pouvez venir nous faire un petit coucou. Ah ça sera avec plaisir. Bah là j'ai pas tellement l'occasion, mais pourquoi pas, ouais. Voilà, bah de toute façon, dès que vous passez à Remiremont, vous avez mon adresse mail, vous envoyez un petit mail et je vous explique et tout. Et ben voilà, et ben d'accord, ok. Super. Mais quelle était la question alors? Je ne sais plus. Ah oui, on vous demandait au niveau des flammes à la lumière si c'était la première fois que vous faisiez cela, de la bande-annonce radiophonique. Ah oui, vous, non. Vous avez répondu, c'était... du coup, vous avez voilà. dit que non, oui, que ce n'était pas oui, la première fois que vous étiez avec lui. Oui, mais ce ne sont pas des bandes-annonces, hein, c'est vraiment des commentaires. Oui. Ah oui, puis on a dû faire oui, les petites opérations de promo pour la radio, quoi. C'est ça. Voilà. Mm-hmm. Voilà, d'accord, ok. Donc maintenant, de toutes les casquettes que vous avez dans votre très grande carrière, est-ce qu'il y en a une avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise? Bah, c'est la casquette que je porte tous les jours quand je vais faire mon marché. D'accord. Non, mais encore une fois, moi je suis heureux partout. Imaginez la chance qu'on peut avoir. C'est vrai. À 80, d'avoir le téléphone qui sonne et on vous demande pour participer à un doublage, à un jeu, à une pub, à un documentaire, etc. C'est du bonheur. Donc je ne cherche pas à savoir quel est la proposition la plus excitante. Le fait qu'on propose encore, c'est magnifique. Donc je suis heureux de ça, et ça me suffit. Si je m'ennuie en le faisant, je ne travaillerai plus avec la société qui m'a demandé. Bien sûr. Bien évidemment. Mais autrement, mais de toute façon, tout se passe toujours bien. Et puis il faut être un petit peu humble, tranquille, allez hop. C'est On important. A de la chance de vivre à... Encore, allez, j'ai encore 10 ans devant moi. Ben non, j'ai encore 5 années de travail. Après, je serai trop vieux. Allez, je serai trop. On voudra plus de moi du tout. Oh, c'est pas vrai. Je serai même plus le Père Noël. Alors, voyez. Oh. Ah, pour moi, vous serez toujours la voix du Père Noël. Ah ben oui, mais oui. Ben, je l'ai encore fait ce matin, voyez-vous, en doublage. Voilà, ce matin, j'étais le Père Noël. Voilà. Bien sûr. Ah super, faudrait que je voie ça, tiens. J'avais une question pour vous, Benoît. Est-ce qu'il faut être comédien pour faire de la voix off ou pas? Je pense que c'est préférable. Et pour plusieurs raisons. On va penser que je suis un être un peu... Excusez-moi, je prends le mot grossier, un peu chiant, quoi. Mais, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de comédiens, de garçons et de filles, d'hommes, de femmes, qui disent « Oh, j'ai une belle voix. Maintenant, on peut s'acheter et faire chez soi un petit home studio. C'est très bien. » On vous dit « Oh, t'as une belle voix, tu peux me dire un texte. » On dit le texte. Mais on n'a personne pour vous écouter. Vous êtes là tout seul à enregistrer, tout seul dans votre petit studio que vous vous êtes fabriqué. Mm-hmm. Personne n'est là pour vous dire « Dis donc, là, ton intonation n'est pas très bonne. Là, qu'est-ce que tu as dit là ? J'ai pas très bien compris. » On ne peut pas travailler seul au micro. Il faut que quelqu'un toujours soit là pour vous guider. Ou au moins vous réfréner, vous conseiller tout simplement. On ne peut pas travailler seul. S'il s'agit de dire un petit texte simple, ça va. S'il s'agit de lire un livre audio, c'est-à-dire 350 pages, avec à l'intérieur des chapitres des personnages différents, il faut donner à ces personnages, il faut donner une intonation, il faut donner une personnalité. Bien sûr. Eh bien, ça, mais il faut être comédien pour le faire. Autrement, pardonnez-moi, je prends encore un terme très dur, on annonne un peu. Et très souvent, j'en entends. Hein. Et on n'apprend pas à bien parler au lycée, à l'école. C'est fini, ça. Les petits-enfants, c'est la maîtresse qui leur raconte la jolie petite histoire. Et c'est de la caricature. Et les gens ne savent pas raconter des histoires. Enfin, on ne leur apprend pas, disons, à raconter des histoires. C'est un travail, c'est une discipline, et on ne peut pas enregistrer tout seul. Voilà. Être comédien, ben, c'est jouer des situations, c'est avoir, c'est jouer avec sa voix, hein, savoir la tirer dans les aigus, savoir la descendre, savoir la retenir. Puis travailler avec un micro, c'est pas si facile que ça. Micro, il est là pour prendre ce que vous lui donnez. Il ne va pas restituer quelque chose que vous ne lui apportez pas. Donc toutes les émotions, elles passent dans votre voix, dans votre souffle, dans vos respirations, dans les silences, dans les temps que vous prenez quand vous lisez un texte. Laisser une phrase un petit peu en l'air, eh bien, oui, ça laisse supposer que l'histoire n'est pas finie, il y a autre chose, il va se passer quelque chose. C'est de l'interprétation. Et quand on dit interprétation, on dit comédie. Et quand on dit comédie, on dit théâtre, quoi. Comédien. Bien sûr. Mais encore une fois, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de monter sur un plateau pour exprimer magnifiquement et interpréter magnifiquement une œuvre. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez des futurs projets, que ce soit en tant qu'acteur ou comédien de doublage, voix off ou comédien de théâtre ? Là, en ce moment, je joue... tous les lundis, je joue mon spectacle « Qui a tué Takehiro ?». Je le joue à Paris. La semaine dernière, le dimanche, j'ai pu aller le jouer en province. À chaque fois qu'on me demande en province, pop, je vais le jouer et puis je reviens à Paris. Donc ça va, j'ai des dates, ça se présente bien. Autrement, ce que j'ai en projet, oui, j'ai déjà des studios retenus. Je retrouve le 28 février, pardon, donc la semaine prochaine. Toute une journée, je vais retrouver Morgan Freeman dans un nouveau film. Oh. Avant, je vais retrouver un autre comédien black américain que j'adore et qui est souriant, qui a une bonne bouille. On a envie de l'embrasser dès qu'on le voit tellement il est adorable. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une pub et j'ai beaucoup de travaux que je fais avec des étudiants. D'accord. Parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans des cours, dans des écoles qui sont des écoles d'audiovisuel. Tant pour le son, l'image que pour les dessins animés. Et dans les exercices de fin d'année qu'ils ont en tant qu'élèves, ils ont souvent besoin de dialogues, ils ont souvent besoin de comédiens. Et vous pensez bien que depuis le temps, ils se sont donné mon numéro de téléphone. Et donc, je suis tous les jours, je reçois des demandes d'étudiants. Alors, bon, c'est évidemment fait en bonne sympathie. Et je m'arrange avec un copain qui a un studio pour aller leur enregistrer gratuitement tous ces textes parce qu'ils ont besoin de comédiens professionnels pour les réalisations qu'ils ont pour les personnages, pour que ça soit bien interprété. Pour eux, c'est un gage d'une bonne présentation. Et puis, il faut les aider. on fait partie du même milieu. Eux, ils débutent. Nous, on est là depuis longtemps, mais autant leur donner la main, quoi. Voilà. Bien sûr. Ah, mais ça fait du boulot, mine de rien. Je vais chez un copain qui a un studio et j'ai 5 textes pour des étudiants à faire. Eh ben, je vais leur faire, et puis voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour suivre votre actualité? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, un site internet? J'ai un site internet, bien sûr. Qui n'est pas très très moderne, il faut bien le dire, parce que moi ça me dépasse un peu, et puis j'ai pas besoin de faire des promos en permanence sur ce que je fais. Je suis sur Facebook, bien sûr, et puis voilà quoi. D'accord. Mais je ne mets pas en photographie la part de quiche Lorraine que je viens de manger. je ne dis pas que c'est un grand événement dans ma vie, vous voyez, c'est pas mon truc. Très bon la quiche Lorraine d'ailleurs. Comment ? Très bon la quiche Lorraine d'ailleurs. Mais bien évidemment que c'est... Mais c'est comme là, en Alsace, la flamme cucheuse, c'est très très bon. Mais arrêtez de parler de ça, j'ai faim. Nous aussi, on va pas tarder à manger, je crois. écoutez, y a la bonne tourte dans les Vosges, et puis avec un petit vin gris des côtes de Toul, c'est bon aussi, hein, vous savez. Bien sûr, en toute modération, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Benoît ? Moins de rhumatisme. D'accord. écoutez, à mon âge, on a des petits mots. Mais il paraît que ça fait des centenaires. Alors, je suis pas prêt de laisser la place, quoi, en fait. Écoutez, peut-être qu'à 100 ans, vous ferez encore Morgan Freeman. Certainement, oui. Mais quoique, là, il y a deux films dernièrement qui étaient très, très, très mauvais, d'ailleurs. Ah. Que je n'ai pas fait. Ah oui. Oh, mais c'est, vous savez, il y a eu la petite querelle. Un petit peu idiote, ça revient tous les 10 ans, comme quoi un comédien d'origine japonaise doit être doublé par un japonais. Ah bon, trouver un japonais qui parle bien le français, bref, pourquoi pas. Mais c'est ridicule. Alors donc un acteur noir doit être doublé par un acteur noir. Sous-entendu, vous prenez le travail d'un acteur noir. Bon. Oui, bon. Bon, on m'a posé la question je ne sais combien de reprises. Il y a même un journaliste américain qui m'a une heure de discussion par Internet pour parler de doublage, pour parler de Morgan Freeman, etc. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, si Monsieur Freeman, Morgan Freeman, veut que sa voix française soit doublée par un black d'expression française, bon, ça ne pourra être qu'un Guadeloupéen ou un Martiniquais ou un ressortissant africain des anciennes colonies françaises qui parlent admirablement bien le français, etc. Moi, je m'incline dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du raisonnement, est-ce que le talent a une couleur? Non, enfin, je pense pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, moi, on m'a pris parce que j'imagine quand même qu'on m'a trouvé un certain talent. Je n'ai pas été volé la place de quelqu'un. Je l'ai eu comme ça parce que bon, ça a collé avec Morgan Freeman, et puis voilà. Si quelqu'un est meilleur, mais qu'il le prenne, et puis voilà, je ne sais. On n'est propriétaire de rien dans la vie, de toute façon, on n'est propriétaire de rien. Donc alors, pas de souci. D'accord. Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Benoît, nous vous remercions beaucoup. Je pense que Laura sera d'accord avec moi de nous avoir accordé tout ce temps pour cette émission. C'est un honneur, vraiment. Ouais. Merci. Moi, c'est du plaisir de vous avoir eu. Mais il faut arrêter parce que je suis quelqu'un qui peut devenir très bavard. Alors, il faut pas. C'est pas grave. Non, il faut pas. Quoi. On aime bien. Okay. Donc, en espérant que cette émission vous aura plu, Benoît. J'espère. D'ailleurs, ne quittez pas, on vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. D'accord, ok, entendu. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Les Vosgiens. Merci beaucoup, pareillement. Merci beaucoup. Au revoir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera pour nos programmes respectifs, à savoir Autour de vous du mercredi au vendredi et la matinale Le matin c'est bien, avec Chris c'est mieux, en toute modestie bien sûr. Ainsi qu'à la rencontre d'auteurs, Radio Catch avec mon superbe accent anglais et Hitbox, nouvelle émission avec Alex et toi Chris. Oui. Merci de votre fidélité à Radio Gémozo, nous vous souhaitons une excellente journée, c'était Laura et Chris. Bye tout le monde. We'll be right back. The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Up in the summer sky.